Se ressaisir, enregistrement qui est produit au mois d'avril de l'année 2023. En fait, j'ai décidé d'aborder ce sujet parce que dans la vie, on peut avoir à se ressaisir, c'est-à-dire reprendre la maîtrise de soi, remettre de l'ordre dans sa vie pour être plus efficace. Et la raison pour laquelle je fais cet enregistrement, c'est à des fins d'autothérapie, d'auto-ajustement. Et la raison pour laquelle je l'effectue, entre autres, c'est que dans les derniers jours, j'ai, en fait, à un moment donné, j'ai vécu un état plus proche de la déprime, donc une vision plus sombre du monde, une vision où ce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose qui faisait sens dans la vie, je trouvais que la vie était absurde. Et je focusais sur des trucs négatifs ou pessimistes. Et des fois, ça prend des individus dans notre environnement qui vont servir à nous ajuster ou nous refléter un comportement qui peut être nuisible qu'on a envers Dubaï. Et je parlais souvent à ma compagne de ce que je trouve qui ne marche pas dans le monde, dans la société. Les injustices que je peux percevoir, c'est sûr que dans mon cas, je suis très sensible aux injustices dans le monde, entre autres. Il faut que je fasse attention à ça. Et, tu sais, elle me disait, « Ben, écoute, t'es-tu masochiste? T'aimes ça souffrir? » Et ça m'a un peu saisi de son propos. Parce que c'est vrai, si j'étais en train de nourrir d'une manière verbale des ruminations anxieuses par rapport à l'état du monde présent, par rapport à l'état à venir, qui sont improductives, ça ne sert à rien. Donc, c'est une perte de temps. Tu sais, j'étais avec elle assis dans le divan et à un moment donné, j'ai fallu que je réallume, je me ressaisisse parce que si on en regarde tout le temps, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la gestion politique de nos pays, dans la gestion de l'environnement, on est confronté à des problèmes de pollution importants. La mauvaise gestion de l'économie a fait en sorte, dans les dernières années, en relation avec la période qu'on nous dit être pandémie, bon, ben, ça a amené une situation d'inflation importante, donc réduction du coût du pouvoir d'achat des gens dans des pays occidentaux, augmentation du coût de l'alimentation, augmentation du coût du loyer, augmentation de produits divers, donc on réduit le pouvoir d'achat des gens, ce qui les appauvrit. Dans le fond, je suis très pessimiste parce que je regarde la situation présente où le pouvoir d'achat se dégrade rapidement. Mais j'ai pas l'impression que simultanément, en parallèle, on a des gains de technologie qui amènent des économies d'échelle pour compenser à la même vitesse. Donc, pour moi, je vois ça comme une forme de déséquilibre. Sinon, ben, je trouve là, naturellement les politiciens corrompus et dans le fond, présentant des travers. Puis, je suis très critique par rapport à eux. Je suis très critique aussi par rapport à certaines puissances qui tirent profit, par exemple, de la guerre que court présentement en Ukraine. Et je suis très contrarié par rapport à certaines choses qui se produisent. Là, je pourrais élaborer sur un paquet d'injustices sociales. La situation dans laquelle les gens sont manipulés, sont aliénés par toute une société qui met l'accent sur la consommation, une société avec certaines valeurs qui vont à l'encontre du développement de l'être humain, du développement de l'enfant, entre autres, ainsi de suite. Bon, la liste pourrait être longue, sauf que le point, c'est qu'il a fallu à un moment donné que je mette de côté les ruminations anxieuses que je pouvais avoir en lien avec le regard que j'avais à la situation planétaire, puis me ressaisir, me remettre à faire du sport, bouger dans le corps. Bon, ça favorise la sécrétion d'hormones qui peuvent générer un état de bien-être. Prenons par exemple l'hormone de l'endorphine, qui est généré quand on fait une activité physique soutenue, qui produit un état qui est bien pour la santé. Puis aussi de m'attarder à des problèmes insolubles ou insolvables ou qui ne sont pas de mon ressort. c'est contre-productif. C'est sûr que si je passe mon temps à réfléchir sur le fait que l'économie est mal gérée ou qu'il y a trop de pollution, c'est inintelligent. Moi, je peux agir à mon niveau, mais il faut que je laisse faire le reste. Puis je constate des situations de dégradation qui auraient pu être prévisibles en termes de situations à différents niveaux. C'est sûr que si le gouvernement, pendant la période qu'on a dit être de pandémie, a injecté massivement de l'argent dans l'économie, avec sa politique de confinement pour la contrebalancer, c'est sûr que par la suite, si on se ramasse dans une situation où il y a une dégradation du pouvoir d'achat, parce que plus que d'argent qui a été mis, moins l'argent vaut quelque chose, ça en dilue la valeur. C'est un principe d'économie qui est simple. Donc, par rapport à ça, c'est sûr que tout ça, c'était prévisible. C'est sûr que, tu sais, quand je regarde ça, j'ai été en contact avec une personne, en fait, c'est un jeune garçon qui était au secondaire. Pendant la pandémie, par rapport à la menace qui était véhiculée à l'école, dans les médias, il a arrêté d'aller à l'école pendant 3 ans. Il avait peur du virus et il a tenté d'étudier en ligne. Au début de 2020, ben c'était pas au point pour que les gens étudient massivement en ligne, il y a eu du cafouillage, il a décroché. Il n'a pas eu l'accompagnement requis. Puis là, plusieurs années après, quand la pandémie s'est... On dit que là, présentement, il y a une situation là, où ce qu'il y a un retour à la normale. Bon, mais ben là, lui, il retourne aux études, mais il a perdu du temps. Et il y a des gens qui ont sans doute vécu des dépressions, des ainsi de suite, mais ça fait partie de la vie. Il y a des choses qui sont prévisibles et on peut voir certaines situations, comme là, présentement, ça m'a contrarié, parce que là, j'ai appris que Hydro-Québec aura été victime d'une attaque de sympathisants pro-russes. Et ça fait plusieurs mois que je me doutais que ça allait arriver, quelque chose de similaire. Bon, est-ce que c'est vraiment des pirates informatiques qui ont attaqué le site web d'Hydro-Québec, qui s'occupe ici au Québec de l'électricité, étant un monopole d'État, donc la société d'État québécoise faisant la gestion de l'électricité? Est-ce que, dans le fond, c'est vraiment une attaque d'un pro-russe, comme on nous le dit dans les médias, ou c'est plutôt une opération, puis il y a d'autres sites gouvernementaux qu'on dit qui sont attaqués, qui est en réalité une opération sous faux drapeau, un peu comme l'attaque des Allemands là, qui avaient fait du Reichstag, du Parlement. En fait, Adolf Hitler, lorsqu'il avait été nommé chancelier de l'Allemagne en 1933, bon, ben lui, son objectif, naturellement, c'était de s'en prendre aux communistes et aux juifs. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait accusé des juifs et des communistes d'avoir mis le feu au Reichstag, donc le Parlement allemand, alors que ce n'était pas vrai. C'est lui qui avait demandé à ce que ça soit mis en feu, puis d'accuser eux autres, puis justifier par la suite l'obtention des pleins pouvoirs en disant « il y a une menace ». Mais oui, mais c'est lui qui crée le problème pour ensuite présenter la solution. Et là, présentement, on nous dit qu'il y a une menace par rapport à la sécurité de sites web, oui. Il peut y avoir des failles par rapport à des sites Internet, donc des failles entre autres ou des logiciels. Prenons par exemple les failles qu'on appelle « zero days », « jour zéro » en français. Je me suis renseigné là-dessus dans les derniers jours. C'est que si, dans le fond, une faille informatique n'est pas documentée, on va dire qu'elle est au jour zéro. Et sur le marché noir, bon, ben, il peut y avoir des pirates informatiques, des hackers, qu'eux autres, ils découvrent une faille par rapport à un logiciel. À ce moment-là, ils peuvent vendre l'information sur la nature de la faille pour pouvoir ensuite pénétrer certains réseaux ou certains logiciels puis installer des logiciels malveillants. Prenons par exemple le logiciel d'espionnage Pegasus, qui est utilisé pour faire l'espionnage des gens sur des téléphones intelligents. Bon, la personne peut, malgré elle, se faire implanter le logiciel, bon, en cliquant sur un lien web. Donc, la personne pense, par exemple, d'aller sur un site gouvernemental et va cliquer sur le nom du site web, alors que ce n'est pas le cas. Puis c'est un site qui, en cliquant sur le lien, va amener l'installation du logiciel. Même chose par rapport à cliquer sur un message reçu par texto qui va enclencher d'une manière automatisée le téléversement du logiciel malveillant là, sur l'interface. Bon, ça, c'est des choses que je connaissais, mais il y a des choses que l'utilisateur ne fait rien et peut se faire utiliser le logiciel malveillant. Prenons par exemple quelqu'un qui a un téléphone intelligent, puis il y a WhatsApp. Il y a une application dessus. Bon, mais si l'application a une faille qu'un pirate informatique détecte, donc ce qu'on va appeler une faille 0D parce qu'elle n'est pas documentée sur le web, la compagnie qui produit le logiciel n'a pas mis en place la mise à jour pour, dans le fond, la neutraliser. Donc, à ce moment-là, c'est une zone de vulnérabilité réelle. Puis, quelqu'un qui a tout simplement certains logiciels communs peut se faire installer sur son téléphone intelligent le logiciel d'espionnage Pegasus qui a été développé par une société israélienne. Et c'est un logiciel qui sert à espionner les gens. Et on peut déclencher l'enregistrement vocal à l'insu d'utilisateurs, que le téléphone filme en vidéo, et ainsi de suite. Là. C'est une surveillance totale des individus par rapport à ça. Et ce qui est intéressant par rapport à, dans le fond, bon, ce type de logiciel-là, c'est un outil moderne de l'espionnage des citoyens à leur insu. Et il y a plein de monde, que ce soit des journalistes ou des gens, des lanceurs d'alerte qui peuvent se faire installer ça pour être surveillés par rapport à certains États. Et on peut invoquer naturellement la menace terroriste. La menace terroriste qui a le dos large, qui peut justifier la surveillance massifiée des citoyens. Mais là, j'ouvrais une parenthèse par rapport à ça, parce que je me suis renseigné à ce sujet-là dans les derniers jours. Mais je ferme la parenthèse parce que l'objet de l'enregistrement aujourd'hui, c'est de me ressaisir, c'est-à-dire de ne pas me faire pirater le mental par ce que certains vont appeler de l'information nuisible ou néfaste. Et l'importance de ressaisir peut arriver à différents moments de notre vie. Donc, sur Internet, c'est sûr qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui parlent des choses qui fonctionnent mal, qu'est-ce qui ne va pas dans notre société. Et si on focus juste là-dessus, ça peut amener à connaître des ruminations anxieuses, voire des états de déprime, puis dans certains cas, sombrer carrément dans la dépression. Dans mon cas, il y a quelques jours, en fait, j'avais mon hémisphère du cerveau du côté droit, il y avait comme une lourdeur liée à une tristesse, comme quelqu'un qui pleure. Tu sais, quelqu'un qui vit un état de tristesse émotionnelle, ça peut amener une certaine douleur physique au niveau du cerveau. Et c'était mon cas. Et c'est la raison pour laquelle là, je dis, il faut que j'y voie. Il faut que j'arrête d'avoir des ruminations anxieuses, de me laisser atteindre par tout ce qui ne fonctionne pas là, qu'on voit dans les médias. Dans notamment des contrariétés, donc dans le sens que, bon, je vois qu'Hydro-Québec, on dit que ça a été attaqué par des pro-russes récemment dans les médias officiels. Comme je disais tantôt, pour fermer ma parenthèse, c'est peut-être une opération faux drapeau qui servirait à qui? Ben, aux autorités gouvernementales pour amener des lois pour légiférer sur le contrôle des gens sur Internet. À ce moment-là, ces lois pourraient être mises en place, comme au Québec, on a le ministère de la cybersécurité qui a été développé par Ricard, qui pourrait justifier une surveillance plus grande des citoyens sur le web pour éviter qu'il y ait d'autres attaques et aussi une identification numérique des gens. Donc, l'identité numérique peut servir les gens pour, par exemple, reconnaissance faciale pour obtenir le permis de conduire et être mis en relation avec d'autres volets de la vie d'un citoyen, comme par exemple son compte d'impôt à payer, ensuite son dossier de santé, son dossier médical qui pourrait être lié à la reconnaissance biométrique là, par rapport à son visage. Donc la personne n'a pas avec elle, si elle est au Québec, sa carte d'assurance maladie qui est essentielle pour obtenir des soins gratuitement. Par contre, si elle présente sa visage une caméra à l'entrée de l'hôpital, bon, ben, reconnaissance biométrique pourrait s'opérer de manière à ce que si tu n'as pas ta carte d'assurance maladie, aucun problème, on reconnaît les éléments qui composent ton visage à partir d'un ordinateur, donc tu as le droit à des soins de santé et la reconnaissance biométrique, naturellement, pourrait être utilisée pour payer des commerces, c'est-à-dire que dans un premier temps, on fait payer les gens avec une caissière à l'entrée d'un commerce par rapport aux achats qui sont effectués. C'est long. Ensuite, on instaure, comme c'est l'étape présente, des caisses automatisées que la personne peut aller par elle-même pour scanner les produits. Bon, dans certains cas, ça peut amener comment dire, diminuer certaines pertes de temps, ou c'est surtout des économies pour les commerces qui n'ont pas besoin de payer des caissières. Et l'autre étape vers l'informatisation plus grande de la société, c'est tout simplement que lorsque vient le temps de sortir d'un commerce, eh bien, il y a une reconnaissance faciale de la personne qui se fait, qui fait en sorte qu'elle n'a même pas besoin de sortir une carte de crédit à la caisse automatisée. Ben, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a des caisses automatisées qui déjà vont, dans le fond, être munies d'une caméra pour reconnaître le visage. Donc, c'est la prochaine étape, sans doute, au niveau du commerce. D'ailleurs, c'est déjà commencé. En Chine, j'avais vu une vidéo avec la reconnaissance faciale qui a été faite avec un distributeur de boissons gazeuses, dans le sens qu'au lieu de mettre de l'argent ou utiliser une carte qui est scannée pour s'acheter une boisson gazeuse, la personne présente son visage vis-à-vis un appareil qui procède à la reconnaissance faciale et l'argent est délité de son compte qui est associé à son identité numérique. Donc, éventuellement, on peut aller vers ça. Mais le point, c'est quoi? C'est que là, on nous dit que le gouvernement est attaqué par des forces pro-russes, mais c'est sûr que, bon, si, disons que je les crois, que c'est vrai, là, que des sites web là, du gouvernement du Québec, prenons par exemple Hydro-Québec ou autres, qui peuvent être attaqués, bon, ben, ça. Si ce narratif-là tient la route, bon, ben, ça aurait été prévisible il y a plusieurs mois. C'est sûr que si le Canada est pro-Ukraine, puis on envoie des chars d'assaut là-bas et de l'armement, c'est sûr qu'à un moment donné, ça se peut qu'on ait des représailles de la part des Russes. Parce que si on supporte les Ukrainiens qui vont faire la guerre aux Russes, c'est implicitement qu'on est impliqué. Et c'est sûr que la guerre moderne, c'est quoi? Ben, c'est une guerre qui se prolonge entre autres dans le domaine du cyberespace, donc le domaine du web, de l'Internet, avec des attaques qui sont faites sur Internet pour mettre en échec des sites clés et des infrastructures. Donc, en plus du site d'Hydro-Québec, c'est sûr qu'une autre étape, ça pourrait être carrément qu'il y ait des attaques par rapport au fonctionnement de centrales hydroélectriques ou autres. Donc, des centrales qui servent à produire de l'électricité à distance, de manière à les empêcher de fonctionner et occasionner des dommages à ceux qui sont jugés ou évalués comme étant l'ennemi. Et c'est sûr que quand que je vois ça me contrarie parce que, en réalité, ma perspective depuis un peu plus d'un an qu'on nous parle de la guerre en Ukraine, c'est que le Canada n'a pas à se mêler de ça. Dans le sens que si. Et je pèse mes mots, je suis très délicat. C'est-à-dire que si c'est réel que les gens au Donbass, parce que là, ils ont demandé ils ont fait un référendum il y a plusieurs années et qui veulent être séparés de l'Ukraine, bon, puis ils veulent être annexés à la Russie, bon, mais si c'est une décision qui a été prise de leur part libre et éclairée, je pèse mes mots. Bon, mais à ce moment-là, pourquoi se mêler du conflit? Parce que, à ce moment-là, c'est sûr que si on prend part pour l'Ukraine, on peut avoir des représailles de la part de Russes ou de pirates informatiques pro-russes. C'est comme logique, là. Mais bon, c'est la réalité. C'est sûr que quand je regarde les choses, je trouve ça tordu, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, depuis plusieurs semaines, je trouve ça complètement ridicule. On envoie, on va envoyer, mettons, un lot de quatre chars d'assaut, le Canada, à l'Ukraine. Ensuite, un autre pays envoie d'autres chars d'assaut, mais ce n'est pas le même modèle. Prenons par exemple les chars d'assaut Abraham aux États-Unis. Puis là, après ça, il y a d'autres endroits en Europe, l'Allemagne, les chars Léopard. Bon, mais ben, ici, c'est plein de chars d'assaut disparates. C'est comme, si je regarde ça, je trouve ça comme illogique, dans le sens que tu ne peux pas constituer une force au niveau qui est efficace si c'est toutes des chars disparates. Pourquoi? Ben, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour maîtriser des particularités de chacun des chars d'assaut. Tandis que quelqu'un qui veut être efficace, si, par exemple, l'Ukraine aurait accès il y a à peu près 2000 chars d'assaut de type Léopard que les pays de l'OTAN ont en Europe, bon, mais c'est sûr que si d'un bloc, ils ont accès à tout ça, puis c'est standardisé, c'est tout le même fonctionnement de chars d'assaut, ils pourraient former les gens en bloc pour ce type de char d'assaut-là, puis avoir une forme d'expertise par rapport à ça. Tandis que là, il y a des gens qui sont formés pour les chars d'assaut Abraham, ensuite il y a Léopard, puis ensuite il y a d'autres marques, même chose pour différents types de matériel militaire. Donc c'est, pour moi, c'est du gros n'importe quoi. Puis il y a aussi des chars d'assaut qui sont donnés au compte-gouttes. Fait que ça permet pas nécessairement de développer une force. Non, ben ces temps-ci, par rapport à l'Ukraine, bon, je vais regarder des fois des vidéos, mais je les regarde en diagonale, surtout ceux qui concernent la fameuse contre-offensive ukrainienne qu'on nous dit qu'ils se préparent. C'est sûr que je les regarde pas. La raison est simple, c'est que s'il y a une vraie contre-offensive qui cherche à être mis en place par les forces ukrainiennes, ils n'ont aucun intérêt à médiatiser puis diffuser publiquement leur stratégie qu'ils vont adopter, parce que si l'ennemi entend ça, ça va saboter leur plan. C'est totalement illogique. Ce qu'ils peuvent faire, par contre, c'est de la propagande puis diriger les gens sur une voie de garage pour détourner l'attention de l'ennemi pour le prendre par surprise par la suite. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les forces ukrainiennes, à chaque fois qu'ils parlent de contre-offensive, ben, je suis très sceptique, parce que s'ils disent vraiment où est-ce qu'ils vont mener la contre-offensive dans les lieux précis, ils se tirent dans le pied, parce qu'à ce moment-là, l'ennemi va pouvoir faire face à cette dernière puis s'y préparer adéquatement. Surtout s'ils disent dans combien de jours puis à quel endroit, c'est vraiment contre-productif. La logique, c'est d'amener une fausse piste pour aller ailleurs. Donc, la raison pour laquelle j'écoute pas ces reportages-là et toute la spéculation qui est faite par rapport aux stratégies militaires, parce que les vraies stratégies militaires qui vont être mises en place, les dirigeants sont moindrement stratégiques et intelligents. Il n'y a aucun intérêt à diffuser ça publiquement. Il faut qu'ils gardent ça le secret le plus longtemps possible ou partager des voies de propagande pour mettre les ennemis sur des fausses pistes. C'est ce qui est logique de faire, de ma perspective. Mais bon, là, je m'égare un peu. Je vais retourner à mon sujet de fond. Se ressaisir, c'est quoi? Ben, c'est de réaliser que le monde, en tout cas, je trouve ça stupide, qu'est-ce qui se passe? Dépenser des milliards de dollars à chaque mois des pays occidentaux pour soutenir la guerre en Ukraine, alors qu'on a des besoins urgents. Prenons par exemple le Québec, avoir accès à un système de santé décent, ça fait des décennies. Le gouvernement du Canada, au lieu de mettre de l'argent en santé, il met ça pour soutenir la guerre en Ukraine à coups de millions. Puis tous les pays mis ensemble, ben ça représente des milliards de dollars. tu sais, je trouve ça totalement absurde. Et c'est sûr que, bon, je suis pas politicien, mais la façon que je vois les choses, il y a un adage qui dit, qui est très simple, « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Donc, autrement dit, commençons par être cohérents dans un pays. C'est sûr que les gens vont me trouver plus nationaliste que mondialiste, mais bon, c'est ainsi. Commençons par avoir un peuple qui est en santé. Donc, que le réseau de la santé soit bien géré. Il y a tout le temps des problèmes au Québec là, avec le réseau de la santé, le temps d'attente très long dans les urgences des hôpitaux, la difficulté toujours constante d'avoir accès à un médecin de famille et aussi les listes d'attente pour des traitements par rapport à des problèmes de santé. Donc, je trouve que c'est un gaspillage des fonds publics colossal, là, tout ce qui est fait là, pour soutenir l'Ukraine, alors qu'une partie de l'argent peut être utilisée pour attaquer des populations civiles. Donc, c'est sûr que s'il y en a parmi vous qui s'intéressent, je vais mettre le lien web là, en bas de l'enregistrement. Si vous avez envie de prendre une heure de votre vie pour écouter le documentaire là, qui a été fait par Anne-Laure Bonnel, donc un documentaire qui date depuis plusieurs années, ça date pas de 2022, ça fait longtemps que ça a été fait, et il est question des forces pro-ukrainiennes qui font des attaques dans le Donbass contre les gens qui veulent se séparer donc de l'Ukraine. Et ce qu'on voit dans la vidéo, c'est qu'il y a des populations civiles qui sont affectées par les bombardements des forces, non pas des Russes, des pro-ukrainiens. Dans la vidéo, il est question qu'un hôpital a été bombardé par des forces ukrainiennes. Un peu qu'est-ce qu'on nous rapproche aux Russes. On dit « Ah, regardez, les Russes, ils ont bombardé en Ukraine un hôpital, ils ont eu des maisons qui ont été bombardées. » Ouais, mais si les forces ukrainiennes ont eu des actions de nature similaire par rapport à leur propre population, Donc, les mêmes ajustements qu'on qualifie de crimes contre l'humanité dans les médias de masse. Ouais, mais si on leur donne de l'argent et de l'armement qui peut servir à mener des actions analogues, à quelque part, il faut falloir évaluer si on contribue pas, nous autres aussi, à perpétrer des crimes contre l'humanité. Parce que dans la vidéo d'Anne-Laure Bonnel, il est question de civils, d'enfants qui ont été blessés, des gens qui ont été affectés par les bombardements, des forces pro-ukrainiennes, leurs maisons ont été détruites. Ensuite, il y avait l'hôpital aussi qui a été affecté, donc différents lieux. Des gens qui ont la difficulté à s'alimenter aussi. Puis c'est le même type d'action qu'on reproche aux Russes. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que quelqu'un montre l'autre côté de la médaille. Et ce documentaire-là, il date de longtemps. Je pense que c'est 2015 ou 2016. Là. C'est pas récent. Là. Mais naturellement, depuis la guerre d'Ukraine, j'ai jamais vu, je pense que j'en verrai jamais dans les médias de masse, faire allusion à ce type de documentaire ou la possibilité que peut-être on arme des gens qui s'en prennent aussi à des populations civiles. C'est même pas... Ça effleure... C'est pas... Comment dire, ça, j'ai pas vu de commentateur effleurer le sujet. Mais bon, ça fait partie des réalités de la propagande et de la polarisation. L'ennemi est tout méchant, puis nous autres, on est tout gentils. Fait que ça, c'est un volet qui me contrarie et qui m'amène à avoir des ruminations anxieuses, dans le sens que là, si Hydro-Québec, on dit qu'il est attaqué, il peut avoir par la suite, non pas juste le site web, mais l'installation carrément d'Hydro-Québec qui est attaqué, puis des milliers de citoyens soient plongés dans la noirceur au Québec. Il peut y avoir d'autres choses aussi qui peuvent arriver. Donc, on peut mettre à terre la bourse à New York. Les Américains n'aiment pas ça. Il peut y avoir des pirates informatiques qui vont... mettre en échec différents trucs. Donc, mais par rapport à tout ça, c'est pas de mon ressort. Moi, mon ressort, c'est m'occuper d'être bien dans ma peau, puis de court-circuiter toute forme de rumination anxieuse par rapport à des sujets collectifs qui peuvent avoir un impact sur ma vie individuelle, mais en même temps, c'est pas de mon ressort. Donc, il faut que je lâche prise. Puis, dans ma vie, j'ai été manipulé pour souvent me sentir coupable de différentes choses. On nous fait sentir coupable parce qu'on pollue, mais en même temps, on ne nous donne pas nécessairement des alternatives viables pour arrêter de polluer. Fait que, tu sais, c'est assez sournois. Autrefois, on nous culpabilisait avec la religion. À chaque époque, on cherche à manipuler pour nous culpabiliser. Pourquoi? Parce que quand on vibre à la culpabilité, ben, on est en perte d'énergie. Donc, ça fait partie, puis on est manipulable, puis on est dominant. Pourquoi? Parce que notre volonté est faite. Pour que notre volonté soit forte, si on veut un état de déprime, ben dans mon cas, ce qui m'a aidé, c'est monter en état de colère mentale. C'est sûr que l'instruction supramentale qui a été véhiculée par Bernard de Montréal m'a aidé, dans le fond, de sortir à multiples reprises dans ma vie d'état d'impuissance ou de déprime, de tristesse. Puis de me ressaisir. Donc, la colère a un état de rehausser le niveau d'énergie au-delà du niveau d'impuissance. Parce que si quelqu'un vibre trop longtemps à de l'impuissance, à de la tristesse, qui vient d'un état de déprime, bon, mais ça peut déboucher sur un état de dépression. Puis de refouler une souffrance qui est vécue, ça peut amener la personne à imploser, voire à avoir des idées sombres ou suicidaires. Ça, c'est vraiment le cercle vicieux extrême. Donc, quand on vit de la colère, de la frustration, c'est d'agir au niveau du problème si on le peut. Puis si on ne peut pas, ben s'extérioriser. C'est ce que je fais présentement à travers l'enregistrement. Donc, j'utilise ma parole pour monter en puissance. Il y a des choses que je ne peux pas changer par rapport à la société, la civilisation. Donc, si on est géré par des gouvernements qui sont stupides, qui sont polarisés, qui vont dépenser des milliards pour soutenir une guerre, alors que je me pose toujours la question de la pertinence par rapport à ça. Même chose par rapport à toutes les mesures de confinement qui ont été mises en place là, pendant la période qu'on a dit là, que c'était une pandémie. Bon, ben, c'est eux autres qui ont de l'énergie par rapport à ça. Ça fait partie de leur expérience. Mais moi, mon expérience, au niveau individuel, j'ai à agir pour qu'elle soit agréable, en dépit de la situation toxique qui est véhiculé par les médias et amplifié aussi par toute la propagande là, à différents niveaux puis le discours unique. Mais bon, peut-être qu'à un moment donné, il y aura des gens dans les médias qui écouteront la vidéo d'Anne-Laure Bonnel. Mieux vaut tard que jamais. Écoutez, je vais mettre le lien web là, en bas de l'enregistrement là, de cette vidéo que j'ai trouvée quand même intéressante pour présenter l'autre côté de la médaille. Et c'est sûr que par rapport à la crise en Ukraine auquel je fais allusion, je regarde la propagande officielle dans les médias, c'est facile, mais YouTube, vous avez aussi le contraire. Dans le sens, j'ai écouté récemment une vidéo de propagande par rapport, dans le fond, à la troupe militaire de Wagner, là, russe. Et on nous présentait les gens avec une belle musique. Il y en a un qui un militaire, la façon qu'on nous présente ça pour nous émouvoir, il y a des prières à caractère religieux sur lui, sur un papier. Et dans la vidéo, il nous partage que ça lui donne un sentiment de protection, en lien avec sa foi. La façon que c'est présenté, c'est qu'on nous présente cette personne-là comme un bon gars, c'est-à-dire un bon religieux, donc quelqu'un qui a les valeurs conservatrices, qui n'a pas été corrompu par toutes les valeurs là, qui sont liées à une forme de déchéance morale qu'on va attribuer à l'Occident, là, les barrières qui vont à l'encontre de la religion, qu'on va dire satanique, luciférienne, des valeurs pro-avortement, la promotion du divorce, ce qu'on va dire aussi comme étant de la perversité sur le plan sexuel. C'est sûr que, bon, en Russie, par exemple, les valeurs LGBTQ+, sont très mal vues par les Russes et sont vues comme des valeurs qui vont amener une déchéance morale là, de la civilisation, ce qui est très différent d'ici, dont les gouvernements en font la promotion. Bon, c'est sûr qu'en ce qui me concerne, bon, prenons par exemple à la base du mouvement, au début c'était gay, lesbienne. Bon, quelqu'un qui veut être gay ou lesbienne, ça y appartient. Je vois pas nécessairement une forme de déchéance morale par rapport à ça. C'est une réalité personnelle. Par contre, le point qu'il faut faire, c'est qu'à un moment donné, on part de certains éléments que, bon, la personne, qu'elle soit hétérosexuelle, homosexuelle, a le droit au respect. Sauf qu'à un moment donné, le mouvement LGBTQ+, c'est comme une bulle. Puis là, on est rendu au stade de la promotion des drag queens qui vont faire la lecture de livres d'enfants dans des bibliothèques au nom de l'émancipation de l'identité sexuelle. Moi, c'est sûr que toute cette initiative-là, je la trouve totalement clownesque. Et dans quelle mesure, comme le dirait le psychiatre Pierre Mailloux, c'est dans l'intérêt d'un enfant d'être exposé à quelqu'un qui va être habillé d'une manière caricaturale pour faire la lecture d'un livre? À quel point que c'est un modèle qui est sain pour un enfant? Il faut se poser la question. À quel point c'est sain, prenons par exemple qu'un individu qui est masculin, qui dit qu'il est transsexuel, qui va aller faire de la compétition avec des athlètes là, par rapport à la nage des compétitions sportives. C'est sûr que c'est, le gars, c'est un homme à la base, dans son identité de genre d'origine, rempli de testostérone, il s'identifie en femme. Donc, en partant du principe qu'il est transsexuel à partir d'une construction psychologique associée à l'identité de genre qu'il s'attribue, qui diverge de celle dans son identité d'origine, bon, mais c'est sûr que la personne elle va faire par la suite des performances athlétiques incroyables en natation, en boxe ou en lutte, ben c'est sûr qu'à mon avis, c'est inapproprié parce que c'est injuste par rapport aux femmes. Et c'est sûr que pour moi, ça fait partie des dérives de la mouvance LGBTQ+, qui est dénoncée par certains qui sont pro-russes. Et quand je regarde ça, je dis, ben à quel point c'est juste? La personne, c'est un gars d'origine, il est rempli de testostérone, il va aller compétitionner contre des femmes à natation ou dans des disciplines sportives. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on permet ça, ben ça va être juste des transsexuels qui vont se présenter aux Olympiques, il n'y aura plus de femmes. Pourquoi? Ben parce que à quelque part, ce qui va être priorisé aux Olympiques, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, c'est sûr que si la personne a plus de testostérone, il y a plus de fibres musculaires, plus de force physique, c'est sûr que ces gens-là risquent de plus de gagner les épreuves. Donc, à ce moment-là, un petit peu comme les gens qui prenaient des stéroïdes ou qui se droguaient, les athlètes, bon, ben, si ça améliore les performances, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est que tout le monde, pour avoir un seuil minimum de performance, va se droguer. Et c'est sûr que le comité olympique a agi pour contrer les problèmes de dopage des gens qui se droguent, et avec raison, à mon avis, pour que la performance reste liée à l'activité physique plutôt que supportée par des drogues, parce que sans ça, tout le monde faudrait qu'il se drogue pour être compétitif. Puis à un moment donné, à un certain stade, il faudrait que tout le monde soit des transsexuels pour être compétitif aux Olympiques, pour avoir le port d'hormones de testostérone plus grand, si on parle par exemple des compétitions qui impliquent des femmes pour les avantager. Parce que tout ça, ça peut amener des dérives. Prenons par exemple dans le domaine médical, bon, ben c'est un milieu qui est extrêmement compétitif pour avoir des notes, pour avoir une bonne cote de rendement collégial pour mener là, puis là, on se ramasse avec des étudiants pour être admis, étant donné que c'est des programmes qui touchent à la médecine qui sont contingentés, le nombre de places étant limité, avec des gens que pour obtenir le seuil minimum de performance vont se droguer. Il y a des gens qui prennent du Ritalin parce qu'ils ont des problèmes de concentration, mais il y a des gens aussi qui en prennent pour augmenter la performance et la capacité de concentration pour être compétitif par rapport aux autres qui en prennent. Parce que si on prend de la drogue pour favoriser la concentration majoritairement dans une cohorte d'élèves pour atteindre un seuil de performance minimum, bon, mais la personne qui n'en prend pas va être désavantagée à comparer des autres. C'est le même principe que les athlètes sportifs qui, ça ne serait pas interdit, ils prendraient toute de la drogue pour augmenter les performances physique. Donc, c'est la même chose pour les performances au niveau des étudiants en médecine. C'est-à-dire que si la substance augmente la concentration ou la productivité ou la performance sportive, bon, ben c'est sûr que si tout le monde en prend, ben là, la personne est comme obligée d'en prendre pour être capable des à côté, être à égalité par rapport à eux, puis ça crée des cercles vicieux. Tout ça pour dire que la propagande qu'on russe, ben, j'écoutais une vidéo, puis là, le soldat avec sa prière qui garde sur lui en guise d'objet de protection. Probablement que ça lui sert à évacuer de l'angoisse parce qu'il est exposé à des scènes où il peut mourir à tout moment. On le présentait comme étant un bon chrétien, quasiment comme un saint, puis avec une petite musique en arrière-plan. Et c'est intéressant de regarder de l'autre côté de la médaille, de la propagande, puis de regarder aussi les torts qui sont reprochés aux Occidentaux. Dans le sens que si on reproche aux Occidentaux qu'ils sont présentement dans une culture en déchéance et à quelque part on reproche des choses par rapport à toute l'idéologie woke associée au mouvement LGBTQ+, ben ça peut être intéressant de les regarder. Là, j'ai abordé avec vous la dérive sur le plan sportif. C'est sûr que par rapport à tout ça, il y a des avantages, des inconvénients et des nuances à mettre, c'est évident. Donc, mais c'est intéressant de les aborder et d'y parler. Mais pour en revenir sur l'importance de se ressaisir, c'est même sur des dérives sociales auxquelles on assiste présentement par rapport à différentes mouvances, ben, c'est de rester centrique. Je reviens souvent à ça à travers mes enregistrements, mais c'est tellement essentiel et tellement fondamental à mon avis. Et de respirer, puis d'être heureux pour rien, faire des choses que vous aimez. Parce que quand il y a quelques jours, j'étais beaucoup dans la rumination anxieuse, qu'est-ce qui ne marche pas dans la société, il y a ci, il y a ça. Mais au lieu de focusser sur le verre qui est à moitié vide, de regarder les avantages qu'a notre société, prenons par exemple sur YouTube, on a accès à une grande quantité de documentaires gratuitement, d'informations qu'avaient pas nos ancêtres. Même chose pour de la musique à volonté sur Internet. Je vois sur YouTube, je vais commencer à écouter une musique, puis ensuite on m'en propose d'autres dans le même style, les playlists automatisées de musique. Bon, mais on peut tirer profit de ça, pourquoi pas utiliser ça pour agrémenter sa vie. Et ma perspective est de tirer profit des événements auxquels je suis confronté et de la technologie aussi que je peux avoir accès dans l'optique naturellement d'être bien dans ma peau, favoriser mon sort. Et entre autres, c'est en prenant la parole à travers des enregistrements que ça participe également à ça, naturellement. Et c'est sûr que si vous appréciez mes enregistrements au fil du temps et que vous aimez mes activités de diffusion web, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que Show Interac et également PayPal. Donc, vous allez avoir les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.